retrouver loin d'ici. Dagoumbarere, celle que je maudis. Dagoumbarere, ouais, c'est ma pire ennemie. Dagoumbarere, elle a déjà pris mon père. Dagoumbarere, elle a déjà pris mon frère. Dagoumbarere, elle a déjà pris Étienne. Dagoumbarere, elle a déjà pris ma tante lesbienne. Dagoumbarere, ouais, c'est la pire des chiennes. Les hommes chavirent tous pour elle et pour ses baisers salés. Mais c'est son pote l'arc-en-ciel qui est le seul à l'attirer. Verbe attiré. Hey! Dagoumbarere. Et toi, elle a pris le tien. Oh ouais, elle a pas pris. Waouh, la chance. Épuisée après une longue traversée, mon mari est parti se reposer sur une plage près d'un cocotier. Il s'est fait piéger par la marée. Et moi, je reste seul à la maison avec trois gosses à faire bouffer. C'est plutôt triste. La fin de l'histoire. La mère, elle semble s'en amuser. Do mi sol ré. La mère de la mère en a marre de voir se marrer. Mais le coule, la furette des Titanic, des pétroliers. La trouvant sale, sa maman regarde Mir Express à la télé. De toute manière, se dit-elle, elle tiendra jamais dans l'évier. Hey! Je n'ai plus de mari. Dagoumbarere, car il est parti. Dagoumbarere, retrouvé loin d'ici. Dagoumbarere, celle que je maudis. Dagoumbarere, elle a déjà pris mon père. Dagoumbarere, elle a déjà pris mon frère. Dagoumbarere, elle a déjà pris Étienne. Dagoumbarere, elle a déjà pris ma tante lesbienne. Dagoumbarere, ouais, c'est la pire des hauts. Ouais, c'est la pire des ah. Ouais, c'est la pire des. Yeah.